Situation 2. À quelle heure tu vas te coucher d'habitude? Oh, ça dépend. En général, après dîner, je regarde la télé et je me couche vers 11 heures.